boudin. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu en diable la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour lui pâté de maison comme un vieux livre que c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce mardi 10 octobre 2023 dans ce 19-20h en direct. Alors autant vous dire qu'on entame cette saison avec une forme un peu nouvelle, voire exceptionnelle, un rendez-vous tout à fait irrégulomadaire comme on aime à le dire, une émission qui va se faire en fonction de la disponibilité, du temps, de l'envie, de l'humeur. Bref, on va tenter ces sons sensibles en émission du soir. Ce rendez-vous, vous avez l'habitude de retrouver des mots, des sons sensibles, actualité politique, sociale et culturelle, dans la tranche du 12-13h en direct, rediffusé à 19h et le lendemain en matinale dès 8h, va vous proposer comme ça de façon irrégulière, irrégulomadaire, comme je le disais, eh bien, un rendez-vous du soir, essentiellement culturel et musical, parce que cela aussi tombe plutôt bien, parfois en début de soirée, de pouvoir accueillir des invités, souvent beaucoup plus disponibles pour être présents en nos studios. Et donc, ce sera le cas pour cette première de cette saison 2023-2024, des sons sensible, consacré à une actualité musicale et discographique, la sortie d'un album pas plus tard que le 6 octobre dernier, avec le groupe Saffron Eyes qui est avec nous au plateau, au micro. Salut à vous. Salut. Hello. Salut. Le Quatuor, cette fois en intégralité ici sur le 895 de Dio. Alors petit tour de table et de présentation, toujours bienvenue hein, pour aussi entamer un programme et faire connaissance. Si on fait ces présentations, disons de droite à gauche, c'est plutôt pas mal. On va commencer ici même, à ma droite ici, mais à votre gauche là-bas. Ok, bah, moi c'est Thomas, je suis à la basse et au chœur. Donc Laetitia au chant. Cyril à la guitare. Et Cédric à la batterie. Voilà, Cédric, Cyril, Thomas et Laetitia. Vous formez donc Saffron Eyes, ce groupe qui existe maintenant depuis, on va dire combien, 4 ans Ça doit faire 5-6 ans, je pense qu'on a commencé à répéter début 2018. Oui, c'est, ouais, ça. C'est ça. Allez, célébrons les 5 années d'existence du groupe. Pourquoi pas ici sur le 895 de Dio. Grand plaisir de vous retrouver depuis le temps, parce que c'est une première aussi hein, de vous avoir ici tous les 4. On s'était retrouvés avec Thomas, avec Cyril. Ouais. Il y a quoi, 3 ans de cela, presque tout juste. C'était il y a 3 ans, ouais, pour la sortie du premier disque, ouais. Ouais, du premier disque ou deuxième production. Enfin, on va essayer aussi de présenter tout cela en détail. C'était une sortie le 13 novembre 2020. Ouais, ça doit être ça. Et ouais, nous étions dans cette grande période de pandémie et de confinement. Et nous avions assuré cette émission spéciale qui avait fait l'objet à la fois de présentation de cette sortie d'album à l'époque et aussi d'une carte blanche diophonique pour notre fédération, la Fédération des Radios Rock de France ou Radio Musiques Actuelles, dont nous sommes bien sûr partie prenante et cofondatrice d'ailleurs pour être plus précis. Alors on se retrouve enfin tous les quatre ce soir pour parler de votre nouvelle sortie. Je le disais, c'était vendredi dernier. Smile Until It Hurts. Donc c'est le deuxième véritable album, mais troisième production. Il y a une première démo parue en 2019. Il y a eu des titres qu'on a mis sur le Bandcamp. Donc on n'avait pas de sortie physique véritablement. On a eu un premier, alors je sais pas si on doit appeler ça un mini-album, 7 titres, donc le fameux qui est sorti en 2020, Pursue a Less Miserable Life, et puis là c'est peut-être un format plus classique d'album avec 10 titres. Voilà, je me trompe pas les amis. Non, c'est bon. C'est ça, donc un véritable nouvel album, 10 titres comme tu le précisais, avec un double appui ou soutien. On vous a connu pour habitude de travailler avec ce fameux label du sud-ouest, We Are Unique Records. Et c'est aujourd'hui une coproduction, on va dire cela ainsi, à la fois toujours ce label, à coquiner cette fois avec de l'autre côté, au nord-est de la France, un label médecin, on dit ainsi. C'est Specific Recordings, ouais, qui vous accompagne pour la sortie de cet album. C'est ça, Laetitia ? Oui, alors du coup, We Are Unique, c'est avec eux qu'on avait bossé sur le premier disque. C'est eux qui avaient sorti les Raymond Howard, qui est mon projet solo. Specific avait déjà fait une production aussi en collaboration avec eux pour l'un des albums de Raymond. Et en fait, c'est des gens qu'on apprécie beaucoup, les gens de Metz. Et ça nous est paru assez évident de les contacter là sur ce deuxième disque pour proposer cette collaboration, et de manière assez fluide, voilà, tout le monde a répondu présent et s'est montré très confiant et motivé pour la suite. Le label d'ailleurs qui fête ses 12 ans d'existence et que vous allez célébrer d'ailleurs sur scène avec eux à la maison, ou presque, hein, puisque on va en reparler, c'est une date prochaine d'une prestation scénique, donc attendue. Vous aurez l'occasion de vous y produire. On va entamer cette émission avec une première proposition musicale, si vous le voulez bien. Et notamment, on va ouvrir avec l'ouverture. Ça semble plutôt assez évident. C'est ce premier titre donc, qui ouvre cet album Smile Until It Hurts et qui démontre que bel et bien ce n'est pas la fin mais ce n'est qu'un début. Not the End est le tout premier titre de cet album. On écoute. Et voilà, belle entrée en matière avec ce premier titre, donc Not the End, qui ouvre cet album Smile Until It Hurts, qui est paru ce 6 octobre, on le rappelle, via We Are Unique Records et le label Messin Specific Recordings. Merci Cédric du petit correctif. Je t'en prie. Ça va être important aussi, ça, de pouvoir aussi être très complémentaires entre nous ce soir. Saffron Eyes, on le disait, donc troisième sortie ou presque, allez, vous avez enregistré cet album il y a maintenant un an de cela, c'était durant l'été 2022, juillet ça, ouais. Précisément, mm-hmm. Avec une date qui était préannoncée de mai dernier, mai 2023, et puis finalement, on a laissé passer l'été, et puis cette sortie se fait cet automne. La raison, elle est entre, alors je vais peut-être... suggérer la réponse, elle était aussi une attente du côté précisément de soutien, de coproduction, de label, de prise de contact, de démarchage en ce sens. Alors honnêtement, on ne sait pas d'où vient cette information parce que c'était pas forcément prévu, on n'a jamais prévu de sortir en mai 2023. Je pense que c'était plus facile de sortir un album à la rentrée septembre, octobre pour tourner ensuite. Ouais, j'avoue que je suis un peu. on s'était posé la question, mais en fait, on s'était dit que voilà, sortir un album début juillet, c'était un peu. Et puis il y avait les délais de pressage aussi, ouais, qui nous contraignaient. Donc on aurait pu le sortir au mieux en plein mois de juillet. On trouvait pas ça très judicieux, donc on a préféré attendre. Alors je sais plus d'où j'ai cette info, mais il me semble que la sortie physique, elle date de ce vendredi 6 octobre dernier, ouais, mais en fait il était déjà disponible de façon dématérialisée, comme on dit aujourd'hui, et je crois que c'est sur une des plateformes Bandcamp, pour le citer, que je l'avais trouvé disponible en date, en tout cas de mai. Voilà, donc sur une des plateformes, soit la vôtre, soit celle de We Are Unique, etc. Bref, mais ça n'a pas d'importance. Je me demandais juste si peut-être qu'il y avait cette envie de votre côté bien, de sortir peut-être de vos sentiers battus et peut-être d'aller démarcher d'autres labels, d'autres structures, avoir aussi un regard extérieur nouveau, un accompagnement peut-être nouveau. Là, on a fonctionné au coup de cœur avec Specific. We Are Unique, on avait déjà travaillé avec eux. Specific, c'est des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Laetitia, tu as collaboré avec eux sur deux disques. Après, en l'occurrence, Florian du label, c'est quelqu'un que je connais depuis une quinzaine d'années. Il avait fait jouer certains de mes précédents groupes, j'avais organisé des concerts avec ces groupes à lui. Jenny avait fait la pochette de mon précédent groupe également. Donc c'est des gens qu'on connaît depuis un certain temps et c'était le coup de cœur aussi. On avait bien envie de travailler avec eux parce que c'est des gens qu'on apprécie, dont on apprécie le travail. Il se bouge énormément pour sortir plein de disques dans plein de styles différents et ils ont une démarche qui nous intéresse vraiment. Pour justement aborder cette question des, on va dire, des expériences passées ou peut-être personnelles des uns, une et autre, là aussi à nouveau en termes de présentation, parce qu'on ne l'a pas fait, mais on connaît donc Laetitia par son projet aussi solo Raymond Howard, dont on a aussi largement parlé sur cette antenne, Laetitia. Et puis on te connaît de par les années passées et par aussi moult autres expériences et groupes. Je pense à ceux d'il y a aussi, 25-30 ans que tu sévis sur la scène musicale locale. Et même à Radio Audio. Mais aussi, bien sûr, tu as animé une antenne ici même, enfin pas ici, quartier sud-est. À l'époque, nous étions plus en centre-ville, sur le quartier du Crédroc. Une émission du dimanche soir, très soft. C'est ça, bonne mémoire. C'était Barbie Pilsken. Tout à fait. De la radio donc, et puis oui, et puis des groupes. Combien ? Je ne sais pas si tu comptabilises, si ça a de l'importance en tant que tel. Je ne sais pas exactement les vrais projets, les projets éphémères. Je ne sais pas là, je peux pas te dire. Donc il y a eu Goofball. Il y a eu Goofball qui a pas mal tourné à l'époque, parce que c'était un groupe aux trois quarts féminin et on avait eu la chance de participer à des... à des événements qui étaient nouveaux. On avait fait, par exemple, le premier Lady Fest européen à Glasgow, à côté de The Gossip. Donc ça, c'était assez marquant, en 2001. Après, il y a eu la Seconda Volta, Kiss Kiss Martin. Bon, bah, mon projet parallèle, Raymond. Voilà. Oui, ça en fait déjà. La scène plutôt punk, Riot Girls, on va dire ainsi, hein, qui t'a largement accompagné, influencé. Ouais, tout à fait. Et pour les autres larrons, des expériences aussi ? Alors du coup j'enchaîne, puisqu'on parlait de la scène punk hardcore, punk et hardcore, c'est un peu mon milieu aussi. J'ai joué dans quelques groupes, Retch, j'ai joué dans Disagio, j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Le Parti, et puis j'ai participé à 2-3 autres groupes comme ça. Donc de la musique forte, rapide. Et beaucoup moins pop que Saffronize, en l'occurrence. Tu as vieilli. Bon, bah ouais, on vieillit, on s'assagit, voilà. Et on a mal aux oreilles. Bah oui, on a des acouphènes, on se lève le matin, c'est difficile. Hein. Ouais. Voilà. Et pour Cédric et Thomas ? Et bah alors moi, non. Moi, aucune expérience notable. Je me suis mis un peu à la musique sur le tard. En fait, donc je suis pas stéphanois, mais j'ai vécu longtemps à Strasbourg. Je suis arrivé à Saint-Étienne en 2007 et j'ai commencé à me mettre tout doucement à la musique vers 2010-2011. Hein. Voilà. Et sinon, bah, actuellement, je joue dans un groupe d'afrobeat qui s'appelle Kalakutaz, avec lequel on se produit régulièrement sur Saint-Étienne. Très bien. Voilà. Bienvenue en cette semaine d'ailleurs anniversaire, puisque je crois que c'est la date d'anniversaire de naissance de Fela ce week-end prochain. Tiens, ah bah écoute, on la place entre parenthèses. Et Thomas, expérience là aussi tout de même. Oui, alors moi, je suis rémois à l'origine, donc je viens de Reims. Et ouais, j'ai fait pas mal de scènes, on va dire, indépendantes, noisy. Moi, mes influences, c'est un peu toute la période des années 80-90, la no wave et toutes ces choses-là. Bon, j'ai fait des petits projets confidentiels, quoi, duo basse batterie, ce genre de choses. Et puis après, j'ai eu mon projet solo, Thomas W. Je suis descendu dans la région, j'ai rencontré Raymond, on a fait quelques scènes ensemble. Et puis depuis, je joue dans un groupe qui s'appelle Saffronize, qui n'a pas franchement grand-chose à voir avec ce que je faisais avant, mais c'est cool. Alors comment s'est fait aussi cette rencontre finalement ? Je parle de véritable rencontre musicale avec l'idée de créer un nouveau projet en sortant de vos expériences respectives et de se dire tiens, on se lance dans une nouvelle aventure. Comment ça se passe ? C'est une question pour toi, Cédric, je crois. Ah ouais, c'est une question pour moi, en effet. Non, mais en fait, du coup, moi, j'apprenais à faire de la batterie, tant bien que mal, plutôt mal à ce moment-là. Et je me suis retrouvé dans une soirée avec Cyril, parce qu'on se rencontrait régulièrement dans des soirées avec Cyril, et je l'ai entendu dire à quelqu'un qu'il se mettait à la guitare et qu'il avait quelques compos qu'il aimerait bien mettre en œuvre dans le cadre d'un groupe. Et du coup, quelques jours après, je l'ai appelé, on s'est rencontrés, on en a discuté, et c'est comme ça qu'est né Saffronize. Donc on a commencé à répéter 2 ou 3 mois juste tous les deux. Et puis à deux, c'était un peu chiant, quoi, comme tu t'en doutes. Du coup, on s'est mis à la recherche d'un ou d'une chanteuse et d'un bassiste. Et alors, comment Thomas et Laetitia vous avez répondu, présent et présente ? Alors, je me permets, c'est Laetitia qui m'a suggéré le nom de Thomas, parce que, comme disait Cédric, on commençait à répéter tous les deux. Et puis oui, tu m'avais dit contacte Thomas. On s'était déjà croisé sur des concerts de Raymond Howard. Et Laetitia, tu m'avais dit vu le style que t'apprécies, je pense que Thomas, ça devrait bien le faire au niveau du style de musique. Et puis j'en ai profité pour demander à Laetitia si ça l'intéressait pas de chanter. Et puis voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Avec l'idée de partir sur vos premières esquisses ou compositions, ce travail-là déjà entamé, ou avec quelque chose de complètement nouveau en travaillant à quatre ensuite ? Bah les premières compos, c'était en l'occurrence les miennes que j'avais mis de côté dans mon petit enregistreur. Et ça a servi de base pour les premières compos du groupe. Et puis je pense que progressivement, quand on s'est mis à composer d'autres morceaux, on a adopté une logique, davantage une logique de groupe en fait, où les compos venaient moins systématiquement de la guitare, mais un peu de la participation de chacun. Enfin, je vois comme oui, ça, ça. Ce qui veut dire que, parce que je me rappelle des premières démos et qu'on a retrouvées en grande partie sur Pursuit a Miserable Life, ça veut dire que vous en étiez vous les auteurs ou co-auteurs. Et ensuite, ça s'est étoffé avec la participation plus collective, à l'écriture aussi, là, je pense, et à la composition. Alors, j'ai plus les titres en tête. Non. Est-ce qu'il y avait des titres que j'avais? En fait, les premières compos de Cyril qu'on a faites juste à deux, il y en a très peu qui ont survécu finalement. Ok. Ça devait être, je pense, les premiers titres qu'on a joués sur scène, mais je pense qu'on les a vite abandonnés parce que ça. En fait, ça fonctionnait pas vraiment. C'était des trucs que j'avais fait de mon côté en jouant de la basse, de la guitare, en programmant une boîte à rythme. Mais ça collait pas et enfin voilà, je pense que fonctionner davantage comme un vrai groupe, c'était ce qu'il y avait de plus logique à faire en fait. Si je me trompe pas, je pense que sur l'EP, sur le premier disque, les deux morceaux que tu avais composé avec Cédric, c'est Sadelaine et The Eyes of the Limit, c'est ça, ouais, que vous aviez déjà qu'on avait quasiment déjà tout. Enfin, pas tout près, mais qu'on a quasi fidélisé. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait l'ossature, et après, c'est vrai que tout ce qui était ajout des textes, du chant, ça a fait qu'on a revu certaines parties en rajoutant une mesure ou deux, ou en réduisant. Bon, voilà, on a adapté un petit peu aussi. Après, sur le dernier album, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a. Laetitia, tu avais déniché un vieux morceau que j'avais fait il y a très longtemps, et qu'on a pu adapter finalement, c'est un peu l'exception. En l'occurrence, j'ai plus le titre en tête, mais vous allez m'aider. Oui, c'est Boredom as a Game. Voilà, exactement. Parce qu'entre nous, les morceaux, on les appelle différemment. Ils ont un second nom. Jean-Michel, Jean-Yves. Ils ont des vrais noms en fait de personnes. C'est ça. D'accord. Parce qu'on arrive en fait, ouais, on a, en tout cas, moi j'ai c'est vraiment juste pour très faire un télo de mettre des vrais textes. Voilà. Ouais, parce qu'il faut quand même, justifier nos titres de prof d'anglais, mais en fait ils ont des petits noms. C'est des petites personnes nos morceaux. D'accord. Mais ça veut dire, Laetitia, par exemple, tu t'es approprié certains textes, ou là, tu t'es attachée aussi à l'écriture Alors non, parce que toi, t'avais déjà des textes, et en fait, je les ai pas retenus du tout. Ils étaient mauvais. Donc dur à enregistrer, enfin à retenir. Eh bien, du coup, oui, les tout premiers titres que vous aviez composés avec des textes, en fait, on les a complètement réarrangés à notre sauce, avec de nouveaux textes, en partant dans une autre direction. Les premiers morceaux, il n'y avait pas vraiment de chant, il y avait des esquisses de texte, mais c'était vraiment histoire de coller une voix à l'époque. Hein, mais... ouais, ouais. Alors c'est marrant, oui Laetitia. Oui, oui, et puis après je pense qu'il y avait peut-être une volonté aussi de s'approprier un peu les mélodies, le chant, pour que voilà, chacun trouve sa place, quoi. Il y a quand même une particularité dans Safrenize en ce qui te concerne, Laetitia, c'est que tu es justement principalement au chant dans cette formation. Ouais. Alors que tu occupes la guitare et tes boucles sur tes autres projets, mais là, tu n'as véritablement que le micro en main. C'est une autre forme de présence. Hein. Oui, alors pour tout te dire, ouais, c'était même une question qui m'avait posé problème au départ, parce que je me disais, oh là là, mais si tu fais simplement le chant dans Safrenize, ça renvoie l'image de la chanteuse du groupe. Puis bon, en fait, assez rapidement, il me semble que j'étais pas seulement la chanteuse, j'avais aussi les textes, que je m'impose pas mal aussi. Et que c'est aussi très enrichissant de faire que du chant et de pas être concentré sur un autre instrument, quoi. Et finalement, je me sens assez libre, tu vois, de faire que du chant. Alors, c'est pas complètement juste de dire que Laetitia fait que du chant, parce qu'elle fait quand même aussi pas mal de percussions, du tambourin, du shaker, de la cloche, et ça a quand même vraiment son importance, je crois, dans nos compos, quoi. C'est vrai. quelques expériences scéniques tout de même, parce qu'on vous a vu effectivement à Saint-Thé, ça me ramène un peu justement à la scène et à la présence, à votre présence aussi sur nos scènes locales. On vous a vu pas mal de fin 2022, puisqu'on l'évoquait, il y a eu cette période un peu abstraite là, où je sais pas comment dire, mais d'un autre temps, de 2020 à 2021-22. Mais fin 2022, vous avez occupé pas mal de scènes, le Sonic à Lyon, le Fil à Saint-Étienne pour le NNY. Mmh. On vous a revu encore dernièrement, l'occasion aussi là, un peu d'éprouver ces nouveaux morceaux, c'était le 10 juin dernier à la Cale. Ouais, c'est ça. Vous avez pu tester aussi un peu ces nouvelles compos pour certains ou certaines d'entre elles. Et puis d'autres scènes à venir, on va en parler. Mais peut-être que pour l'enregistrement aussi, là, ça se passe autrement. Et peut-être que là, Laetitia, tu participes aussi avec quelques apports de, je sais pas, de séquences guitare ou autres. Comment ça s'est passé aussi niveau enregistrement ? Tu veux répondre ? Alors, pas tellement sur les guitares, peut-être plus sur les... On a beaucoup d'ajouts de voix et de percus, mais en l'occurrence, c'est Yves aussi qui participe à l'arrangement des morceaux. Donc Yves Grimont-Pré qui a enregistré les deux disques. Chez Aperte hein, Studio. Et alors pareil, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. Et donc il nous coach... pas mal sur les morceaux, sur les arrangements, et c'est vrai que les percus sont... Il nous a poussé à aller dans cette direction là enfin je pense que c'est peut-être une direction qu'on aurait prise, j'en sais rien, mais en tout cas on développe ce truc là puis pour les voix on est plusieurs à participer. Je fais quelques voix, mais après sur la seconde voix c'est surtout Thomas en l'occurrence. Oui. Voilà, sur l'enregistrement, que dire d'autre? L'enregistrement qui sort de ce que vous aviez proposé jusque-là, enfin moi pour l'heure à l'écoute que j'ai pu en faire là, depuis que je dispose de l'album, je dirais qu'il est beaucoup plus nuancé peut-être que les autres albums, et avec une, peut-être, je sais pas comment dire, présence, montée en puissance, enfin quelque chose qui s'est étoffé aussi de façon sonore, quoi, sonique, instrumentale. Ça, oui, j'espère. En fait, je pense qu'on progresse aussi, parce qu'on n'est pas forcément de très bons musiciens. Puis on est sorti aussi de nos zones de confort. Voilà, tous autant qu'on est. Et on y a passé plus de temps quand même sur l'enregistrement. Ouais. On est resté quand même bien plus de temps que pour le premier. Et Yves nous a vraiment poussé dans nos derniers retranchements. Oui, et puis entre-temps aussi, entre le... L'enregistrement du premier disque et celui-ci, c'est quand même passé 3 ans à peu près. Et on a aussi appris à se connaître en quelque sorte, parce que moi je connais Laetitia depuis pas mal de temps, mais Cédric et Cyril, on se connaît que depuis 2018, par exemple. Donc il y a aussi ça qui joue beaucoup, parce qu'on a développé une certaine complicité aussi, je pense. Et puis on sait un peu plus comment chacun fonctionne, ce qui nous a permis probablement de creuser un peu plus loin dans les compositions. Alors vous hésitiez à l'époque entre Dark Musette et Metal Rockabilly, et finalement votre choix donc s'est porté. C'est toujours en discussion. C'est toujours en discussion. Ouais. Parce qu'il faut étiqueter les choses. On hésite entre maintenant la No Wave. No Wave à Caniche. À Caniche, tout à fait. Ou à fait. La techno des années 40. Ok. Alors on va écouter un nouvel extrait. Si vous le voulez bien, je rebondis parce que j'ai vu Laetitia faire un signe de marteau. Je pense que ça correspond. De fouet. Et de fouet. Mais ça me semble, en tout cas, ça me semble assez correspondre à cet album, et dont la 5e plage, qui est Prendre un marteau, Take a Hammer. Consuela. Tu veux annoncer ou lancer ce titre ? Écoute, tu l'as très bien fait. Donc je te laisse la primeur. Bon, alors on écoute et puis on en parle peut-être après. Un souffle. We'll be right back. C'était donc un nouvel extrait de cet album, Smile Until It Hurts. Vous êtes bien dans Démo des sons sensibles sur le 895 de Dio, avec Cédric, Cyril, Laetitia et Thomas du groupe Saffron Eyes. Cet album sorti ce 6 octobre dernier via We Are Unique Records et Specific Recordings. Alors petite, si je disais tout à l'heure lancement, présentation du morceau en fait, parce qu'il s'agit aussi de tout de même évoquer peut-être le propos. Smile Until It Hurts. Et puis les plages qui composent cet album, de quoi cause-t-il ? Quelle est l'intention, le propos, ou les propos, ou les envies, les expressions multiples ? Alors, le titre de l'album représente, on va dire, un peu ce que c'est de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que bon, bah voilà, On te force un peu à sourire alors qu'en fait la société est vraiment déprimante hein, si tu regardes tout ce qui se passe au niveau environnemental, sociétal, etc. Donc voilà, c'est un peu un constat triste et douloureux de ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, après chacun des textes voilà, est différent. Là, celui qu'on vient d'écouter parle aussi de ce constat, hein, de l'absurdité de notre société moderne aujourd'hui, et puis le peu de liens fraternels entre les gens, quoi. Bon, voilà, je te fais une version courte. On fera l'analyse détaillée en trois parties plus tard, si tu veux. D'accord. Tu prends la parole, ça veut dire que tu es aujourd'hui, là, essentiellement à l'origine de l'écriture de ces morceaux? Sur les paroles, c'est peut-être essentiellement toi, Laetitia, qui les écrit. Après, il y a certains morceaux où on a plus ou moins tous participé, où il y a eu des... Alors, en fait, je suis en train de réfléchir. Je crois que sur ce disque, on n'a pas fait de morceaux ensemble. Sur le disque d'avant, on avait fait une écriture à trois mains. En fait, sur le morceau d'avant, il y avait Beat de Gong qu'on avait écrit, je crois, avec Cédric, toi et moi, et peut-être Cyril aussi, je ne sais plus ce que tu avais. Et sur le dernier disque, là, il y a Bring Back, qui s'appelle pas comme ça. Bring Back, qui s'appelle Sympathy for the Losers, qu'on a écrit pendant l'enregistrement. Voilà. Un peu ensemble, ouais. Cyril faisait ses guitares. Ouais. Ça fait vraiment un groupe pro. Ouais, on a composé en studio, comme si on était resté 6 mois en studio. Mais ouais, c'est le seul morceau qu'on a écrit en commun. Oui. Ouais. Alors c'est marrant, tu dis pro, travailler tes guitares, etc. Vous le formulez sous la forme de boutade. Mais ceci dit, ça me semble être une vraie question de comment on vit un groupe aussi de façon... amateur entre guillemets, c'est-à-dire sans prétention professionnelle, puisque vous avez des métiers par ailleurs, et en même temps vous faites de la musique depuis des années. Comment vous le vivez aujourd'hui, en 2023, à vos 40 et quelques années, j'imagine? On n'a pas 40 ans tout à fait, il me semble. Mais c'est pas grave. Je parle pas à 4. Hein. Oui, mais... D'accord. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps... passer à composer, à écrire, pas suffisamment en concert, à notre goût. Mais oui, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps dans nos vies, mais... Après, voilà. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble que le choix de jouer ensemble, c'est aussi une partie de plaisir. Voilà, quand on se voit, on passe beaucoup de temps à se raconter des conneries, plus que souvent qu'à bosser. Vraiment, c'est aussi ça, la notion de plaisir de jouer ensemble. C'est vrai, à l'origine, c'était ça, hein, Saffronize. On n'avait même pas de nom, d'ailleurs. On ne l'a pas trouvé tout de suite. C'était compliqué de trouver un nom, ouais, et en fait c'est l'opportunité d'enregistrer, de maqueter, tout ça c'est présenté en fait, enfin au départ c'était pas vraiment pour ça, c'était plus pour s'amuser. Et c'est vrai qu'en plus dans nos métiers ça représente aussi un peu une soupape de décompression en quelque sorte, et c'est toujours un plaisir effectivement de jouer ensemble. Et effectivement parfois il y a le côté plaisir, loisir, néanmoins qui en effet demande des moyens en termes de temps comme vous l'évoquiez à l'instant, mais aussi de structuration entre guillemets, être aussi accompagné par deux labels qui font bien leur boulot et dont c'est le boulot. On est un peu parfois dans cet équilibre un peu non évident entre une structure parfois professionnelle qui assure ce travail de soutien, de production, de distribution, avec qui vous travaillez sans souci de ce côté-là, c'est-à-dire pas de compte à rendre en termes derrière de vente d'album, ça veut dire aussi tourner, ça veut dire tout ce que ça nécessite. Je pense qu'on a, on a toujours eu l'habitude de travailler de façon DIY et dans nos groupes précédents. Et là, je trouve qu'il n'y a pas une différence fondamentale, le fait de travailler avec deux labels. Si ce n'est que ça nous repose sur certaines tâches qui sont un peu compliquées. Après il y a l'idée quand même de promouvoir l'objet là, fin octobre on va partir faire quelques dates, et l'idée c'est aussi de pouvoir faire en sorte que les deux labels rentrent dans leurs frais. Et actuellement le seul moyen de passer des disques ça reste quand même les concerts. Oui, mais justement, je me posais cette question-là par rapport aux labels qui, eux, investissent aussi quelque part, entre guillemets. Quand on a peu le temps de jouer, ou hormis allez, les périodes de vacances scolaires, qui parfois correspondent à vos réalités, eux ne sont pas dans cet objectif-là, ils sont aussi dans cette démarche. L'idée est aussi de donner les moyens à des groupes d'exister, de les défendre. Ça existe encore aujourd'hui dans notre monde de la musique en 2023. Oui. Ouais. Ben on n'a pas d'impératif vraiment de vente, quoi, tu vois. On on fait un peu comme on veut, comme on le peut, surtout. Ceci dit, on produit un vinyle, ça, c'est aussi un objet précieux, qui a un coût. Il y a un contrat moral, peut-être, avec le fait de jouer et de vendre des disques. Mais bon, ça n'a jamais été formulé. On nous a jamais dit, voilà... assuré maintenant parce que nous on a fait le job. Mais en plus, ce disque-là, on en est fier comme celui d'avant. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, on essaie de tout mettre en œuvre pour pouvoir le jouer, le promouvoir et le faire, le partager avec le public sur scène, quoi. Ça c'est sûr. Donc on fait ce qu'on peut effectivement, mais c'est vrai que c'est difficile. Oui. Et en tout cas, on a bien en tête le fait qu'on est super chanceux d'avoir ces deux labels qui nous soutiennent et qui croient en nous, quoi. Donc ça fait super plaisir. Même si jouer, faire des concerts devient de plus en plus compliqué, je trouve que en 2023, démarcher pour faire des concerts, je sais pas, moi j'ai l'impression, ça va faire peut-être un peu vieux con, mais j'ai l'impression qu'il y a 15-20 ans, c'était beaucoup plus facile et que maintenant, il faut avoir un disque, il faut avoir un clip, il faut avoir tout un tas de machins autour du groupe pour pouvoir jouer, même dans des petits lieux. Et je sais pas analyser ça. Je sais même pas si quant à tout ça, c'est compliqué. Et même avec c'est compliqué. Ce qu'on nous réclamait il y a 3 ans. Vous avez pas de clip, vous avez pas de disque, c'est compliqué de vous faire jouer. Maintenant, on a des clips, on a des disques. Ça reste compliqué de jouer, quoi. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de groupes, c'est vraiment un secteur qui est saturé et survivre dans ce milieu, ça devient compliqué. Ouais. Et c'est peut-être aussi plus facile de produire un disque, de tourner un clip en 2023, peut-être. Il y a 20 ans, c'était peut-être plus compliqué, mais ça s'est démocratisé tout ça, donc il y a peut-être ces deux effets-là. Du coup, vous avez suivi un petit peu ce cheminement au travers de cette sortie, puisque vous avez sorti 2 singles en amont. Mm-hmm. All I Want is a Little Love from You, et puis Nothing Personal également, et puis un clip. Enfin, c'est All I Want qui a fait l'objet d'un clip. Mm. Donc vous avez un peu suivi tout de même ce... Oui, mais on s'amuse beaucoup à faire ces clips aussi. Ah oui, c'est ça surtout. C'est un prétexte aussi à faire les cons et à passer du temps ensemble aussi. Ouais, ouais. Donc, on se sent pas forcé. C'est effectivement peut-être une direction générale aussi qui fait que tout le monde fait son clip et son truc. On s'amuse beaucoup à faire ça. Ouais, et puis il y a aussi des circonstances qui se présentent, quoi. Là, le lieu, c'est un peu présenté à nous. Donc, on s'est dit, tiens, et si on faisait un clip là, et quelle chanson, et qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Et c'était du travail, mais c'était en même temps beaucoup de plaisir. Et on a passé un chouette moment, quoi, à tourner ce clip. Alors, ça, c'est pour l'aspect un peu, on va dire, promotionnel, entre guillemets. Comment vous intervenez vous sur le choix à la fois, je sais pas, du prix de vente de l'objet, de son tirage par exemple. Qu'est-ce qu'il en est pour Smile and Tears? Le tirage, on n'a pas vraiment la main dessus. Hein. C'est les labels qui voient leur affaire avec les sous qu'ils veulent bien investir. Après, sur le prix de vente, je sais pas. Moi, il me semble que ça se fait de façon assez naturelle. C'est des choses sur lesquelles on n'intervient pas, en fait. Non. Enfin, Ouais, mais voilà. Mais donc, ça veut dire, par exemple, l'album, il peut être, comme on le voit aujourd'hui, hein, dans les bacs. Souvent, un vinyle, ça peut être de 25 à 30 euros. Mmh. Ça devient un objet assez précieux. Quand on sort de cette façon-là aussi. Le vinyle, ouais, j'ai l'impression que ça devient un peu un truc de luxe, mais d'où l'importance de venir l'acheter directement au concert, parce que c'est beaucoup moins cher et que c'est peut-être la façon dont on avait l'habitude de travailler aussi avec nos précédents groupes. Les deux systèmes peuvent coexister. Mais voilà, après on n'a pas vraiment la main sur ce truc là parce que le vinyle, ouais, produire c'est très cher. Parce qu'il me semble qu'il y avait eu un souci de matières premières il y a quelques années aussi, les majors qui se sont jetés sur le vinyle, enfin il me semble qu'il y a un petit peu tout ça qui toutes ces choses là qui font que ça a augmenté. Il y a des pochettes qui coûtent très cher. Je me souviens quand on avait sorti des disques avec mes groupes précédents, les pochettes, les impressions coûtaient très cher en fait. Je sais pas où je suis parti, je sais pas où je vais. Non, mais c'était pour savoir, parce que vous évoquiez cette démarche aussi très indépendante, et tu parlais même de Do It Yourself tout à l'heure. Je me dis qu'on est forcément vigilant et attentif à ces choses-là, à faire sa musique certes, mais à savoir aussi comment on la fait, à qui elle s'adresse, et comment on la défend. Et ça aussi intervient à ce niveau-là. Il y a une différence entre vouloir vendre son disque à 5 balles ou à 10 mmh. balles qu'à 25 parce que la maison disque l'impose, etc. Ou d'en tirer que de façon très confidentielle 300 exemplaires qui du coup vont être très peu visibles et qui va aussi en cascade amener à peu de visibilité, donc peu de concerts, etc. Sincèrement, on ne se pose pas autant de questions. Vraiment, nous on fait de la musique, on passe du bon temps ensemble, on rigole beaucoup. Le reste, après, comme le disait Laetitia, on a de la chance d'avoir deux labels qui nous suivent. Mais c'est vrai que les questions logistiques, les questions de prix, de rentabilité... Avant de s'intéresser à ces deux labels-là, je pense qu'on connaissait un petit peu aussi l'éthique des deux labels. Et We Are Unique avec son fonctionnement propre et Spécifique avec son autre fonctionnement propre, et à partir de là on a accepté un petit peu de le contrat moral, comme tu disais tout à l'heure, qui va avec. Très bien, on écoute un autre extrait, lancement par l'un ou l'une d'entre vous. C'est la quatrième plage, parce que c'est cette fois une plage courte. Parce qu'on va le dire, là, cette fois, vous êtes rentré un peu dans le format du 4 à 5 minutes. Hein. On dirait presque le format radio. Oui. On avait l'habitude de plages plutôt courtes. Alors, de Raymond, ça, c'est sûr. On a l'habitude du format... 30 secondes. 30 secondes, allez, 2 minutes maxi. Là, on est de 1 et quelques à 2 minutes à 4, 5. Ouais, on fait du rock progressif. Non, mais mais c'est marrant parce que c'est souvent quelque chose qu'on nous dit. Vos morceaux sont très courts. C'est un peu moins le cas maintenant. Ouais. Mais je sais pas. Enfin, moi, je vais parler en mon nom, mais le fait de devenir un peu du punk rock et même dans la pop, le format court, c'est un peu le standard et voilà. Enfin. Eh ben on écoute un court, enfin si je ne me trompe, c'est Get Out of My Head. Voilà, je ne m'étais pas trompé, hein, 1 minute 32. Voilà, on est pas mal dans le format court, tout de même. On le disait, c'est quoi, 10 plages pour cet album, Smile Until It Hurts. Avec une, on va dire peut-être là, une particularité sur l'album, il y a une plage comme ça qui intervient un peu en ovni, sans voix, un instrumental. Un instrumental pur, à la guitare, ouais, exact. Qui vient poser un peu le... Ouais, une petite respiration, ouais. Je sens que tu veux que j'explique le morceau tout un petit peu. Ça a été un début de morceau et puis je crois qu'il a pas vraiment abouti et puis qu'on s'était dit que la guitare se suffisait à elle-même et puis que avec ses 9 autres morceaux ça pouvait amener une certaine respiration et voilà ça finit comme ça. Et on en est bien content, mais on a tendance à l'oublier, ouais. Le temps passe très très vite, les amis. mais vous faites durer le suspense, j'ai pu voir ça sur les réseaux sociaux, concernant le visuel de cet album et la pochette, voire même le contenu, dont je n'ai pas connaissance encore. Mais que se passe-t-il derrière ce travail visuel et graphique? Tu parles de la photo? Bah de la photo, puis alors j'imagine qu'à l'intérieur même du disque, il y a encore d'autres éléments, je ne sais pas. En tout cas, sur les réseaux, on vous en dira plus d'ici prochainement sur ce... Ouais, alors on en dira probablement plus prochainement. Thomas, tu apparais en pop-up, en fait, dans la c'est pochette. C'est ça, en fait. C'est ça. c'est une photo d'archive, on va dire, voilà, d'une certaine époque, voilà. Je ne sais pas, j'en dis plus ou... Oui. Vas-y. Non, mais c'est moi, en fait, quand j'étais jeune. En arrière-plan. C'est méconnaissable. Oui, sais, ouais, désolé, j'ai vachement pris. Impressionnant. En arrière-plan, évidemment. Ouais, en arrière-plan. Et devant, c'est... Ah oui, en arrière-plan, oui, voilà, d'accord. Bah, oui, oui. Okay, devant, là, c'est mon beau-frère qui m'a appris à jouer de la batterie, voilà. Tout okay, simplement. Un petit clin d'œil. Oui. D'accord. Quelques dates à venir, on l'évoquait tout à l'heure. Mmh. Donc ça y est, ça commence à se dessiner. J'ai vu ça que fin octobre, deux dates, si je ne me trompe. C'est oui, prévu, une date parisienne et donc une date à Metz. À Metz, chez les Messins. Chez les Messins. Donc le 26 octobre à Paris à la Pointe Lafayette et le 27 octobre à Metz à la Chaouée. Mmh. Et puis on jouera aussi pas très loin de Tarare, aux Olmes, le 3 novembre. À Annecy le 4 novembre et à Lyon au Troxon le 9 novembre. Le 9 novembre. Mm. Et à quand une date maison pour défendre ce nouvel album? Ça et bah justement, c'est en cours. Les assos. On fait un petit appel. Contactez-nous. Ah, oui. Okay. On est disponible. Voilà. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi dans le travail de date, de comment ça se passe. Pour un groupe sans prétention, justement, c'est vous qui démarchez, c'est le label qui assure aussi ce travail. Alors, on n'a pas de tourneur, donc on démarche nous-mêmes avec nos petites mains et nos petits ordinateurs. Et, ouais, on envoie pas mal de mails. La date à Metz, quand même, c'est quand même grâce à Spécifique. Qui fête ses 12 ans sur cette soirée-là. Et puis après, nous, on a essayé de broder un peu autour. Bon, on a trouvé qu'une date, vraiment tout près. Et voilà, après, c'est beaucoup, beaucoup de messages envoyés avec parfois des réponses, souvent négatives. Et parfois puis, pas de réponse du tout. Voilà. Et puis quelques réponses positives qui sont cool, quoi. Mmh. Voilà. Est-ce que vos projets solo perdurent pour faire une petite ouverture? Oui. Oui. Thomas W, ça continue? Oui. Le parti, ça continue? Le parti, c'est mort et enterré. Ok. Thomas, donc oui? Moi, ça continue à la maison. À la maison. Mais de temps en temps, on poste des morceaux sur un bandcamp qui s'appelle We Are The 28. Ah oui. Et, voilà, donc c'est comme ça que ça continue pour l'instant. Et pour Raymond, oui, il faut qu'il y ait des, comment dire, on va dire que c'est pas la priorité du moment. Là, c'est plus les Saffron, puisqu'il y a la sortie du disque. Mais on va partager une date, Saffron Eyes et Raymond Howard plus Alf Bob pour un concert dessiné à Annecy, justement. Voilà. Ok. Oui, Raymond, qu'on a vu pas mal jouer ces derniers temps, tout de même, avec Alf Bob aussi, pour des concerts dessinés. Ouais, ouais, tout à fait. Plusieurs occasions dans le coin. Et alors, me semble-t-il, je ne sais pas si on peut préannoncer la chose, Laetitia, mais je crois que tu as participé, alors on va être partenaire, très étroitement partenaire et associé de cet événement du mois de novembre, avec la sortie, parution d'un, on va dire, un ouvrage, un livre-disque qui retrace un petit peu l'histoire de la scène indé stéphanoise, Furania. Quelques personnes se sont attachées à retracer un petit peu cette histoire, forcément partielle, c'est pas évident de pouvoir être très exhaustif sur ce type de démarche et de travail, mais je crois que tu as été associé puisque tu as participé à la fois à l'écriture partiellement aussi du bouquin, et puis que tu figures dans la compilation. Ce sera une double compile qui va paraître. Ouais, alors c'est je te rectifie, c'est 4 vinyles. Ouais, double voilà. Ouais, et enfin, après, oui. je participe en tant qu'artiste, et du coup, j'ai donné un morceau, et j'ai donné un texte expliquant comment dire, mon parcours musical sur donc la scène indé à Saint-Étienne des années 80 aux années 2000. Voilà. Et donc il y a plein de styles très variés. Et puis j'ai hâte de voir l'objet, de le lire. Et je crois que c'est le 25 novembre, on peut l'annoncer, au cinéma Le France. La sortie, c'est ça, hein? Alors, c'est le 25 ou 26 novembre, en tout cas, c'est le samedi soir. Non, c'est le 25, soir. Ouais. Le 25, le samedi soir, au Méliès, en effet. Ouais. Mais il me semble qu'il y avait presque une date qui était peut-être prévue avec Raymond. Eh ben, ça, c'est à confirmer. Ouais, à confirmer. Ok. Bon, alors, on en reparlera d'ici là. De toute façon, on aura l'occasion. On va très étroitement suivre la chose. Et puis d'ailleurs, on va consacrer, nous, ici, sur cette antenne, une semaine dédiée, sorte de festival radiophonique, pour revenir aussi sur ces décennies de scènes indé stéphanoises. Donc, on aura l'occasion de le rappeler d'ici là. Eh bien, je crois qu'on va terminer cette émission avec, si besoin, un mot de la fin de votre côté. Est-ce qu'on a oublier des choses? Est-ce que... Tomate, pour moi. Ça sera le mot de la fin pour moi. Bah, salade. Tomate. Ketchup, oignon. Bah, merci à toi, en tout cas. Merci. Donc, c'est merci, le mot de la fin. C'est très classique. Oui, mais... c'est merci, évidemment. Merci. C'est... OK. Et alors, juste parce qu'on ne l'a pas fait, je suis désolé, je vous avais proposé aussi une petite référence ou influence musicale, mais peut-être qu'on peut terminer par là pour ce mot de la fin, parce qu'on ne les a pas écoutés, mais autant en parler. Juste très rapidement, quelle avait été votre sélection du soir, ce qu'on n'a pas fait dans l'exercice Alors, moi, j'avais sélectionné original. Un super titre de Timber Timbre. Ah oui, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça, c'est juste pour dire en deux, trois mots, alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, pourquoi vous aviez fait ce choix, etc. C'est un disque, je ne sais plus le titre de l'album, mais qui était sorti en 2014 et qui m'a beaucoup influencé sur le son de guitare un peu surf, voilà, pour Saffronize. Donc il y avait une influence directe. Ok. Ça, c'est pour Cyril. Cédric ? Moi, j'avais apporté un album de Princess Nokia, une artiste new-yorkaise donc, qui fait du rap, que vraiment j'adore. Par contre, c'est pas du tout une influence, hein, comme tu auras compris, mais voilà. Ok. Laetitia ? Tu es un homme éclectique. Tout à fait. Alors moi, j'avais amené Fax, F-A-C-S, donc c'est les anciens Disappears. Donc Chicago, et en fait j'ai pris ça juste en partant parce que ça se trouvait sur ma platine vinyle, et il joue au Sonic, je crois, le 7 novembre, et c'est super bien ce groupe. C'est très, on va dire, c'est presque indus, tu vois, assez dark dans l'esprit, et c'est un trio qu'il faut vraiment voir sur scène. Ok. Et Thomas pour... Alors moi j'avais pris l'album Evil de Sonic Youth parce que c'est Sonic Youth. Mais en fait c'était surtout parce que j'avais pas un album que Laetitia m'avait emprunté, qui est celui des Psychotic Monks. Dernier sorti, Pink Color Surgery, qui est vraiment à tomber par terre, et ils sont à Saint-Thé au mois de décembre. Absolument, voilà. Une date partenaire due aussi. On aura l'occasion aussi d'ailleurs de les accueillir au micro, puisqu'on assurera une ouverture de soirée en radio hors les murs pour cette soirée, un entretien avec les Psychotic Monks. Cool. Et avec grande impatience de les voir sur scène, ce qui n'a pas été encore le cas. C'est carrément bien. Mais ça a l'air puissant. En vous remerciant encore, les amis. Merci à toi. Longue vie merci. À Saffron Eyes. Et puis belle continuation à vous pour ce Smile Until It Hurts, sorti et disponible, on le rappelle, depuis ce 6 octobre via We Are Unique Records et Specific Recordings. Et on va terminer avec une dernière proposition donc issue de cet album. Moi, j'avais sélectionné la 7e plage, Run the City. Elle est très bien. Que j'aime bien. Si vous voulez en dire quelques mots avant lancement et... C'est un définitif. Morceau qui est long, voilà. Ok. Qui dépasse les 2 minutes 30, donc un morceau de rock progressif. Voilà. Très bien. Merci encore à vous, tout bon chez vous. Merci. Vous retrouverez cette émission en rediffusion ce jeudi 12 octobre à partir de midi et vendredi matin en matinale entre 8 et 9 heures. Portez-vous bien, à très bientôt sur ces ondes. Ciao, bye. Salut. your checks in my to-do list. No joke, show that you're not.